Dans mon bol était tout seul, était perdu. J'étais couché là dans le sable. Ma tête est belle et bronzée. Et puis là, dans mon bol, je l'ai vu et me suis dit, ah, qu'il est beau, le carapacien, là, des pattes qui s'étire et de grands yeux d'or. Demandez-moi, et les mecs que j'en ai fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai pris, ramené chez moi, puis là, je l'ai montré, puis j'étais enchanté, enchanté. Je vous présente mon crabe de poche. Bureau et dans mes loisirs, je les vestons. J'ai appris des tours des fessies, le beau, faisait le beau. Sur ses pins, c'est caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu, c'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, moi, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités, c'était plus fort, je le sortais et criais enchanté, enchanté. Transformé en tigre des eaux, bras, cadabra, tête de chat et corps de barracuda, plus de pattes, plus de pince, mangeait des bœufs et cherchait milieu à que je l'ai saigné à coups de mort, pouvais plus le garder pauvre, plus le mettre dans ma veste laine, grosse pepepeine, j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Enchanté! Enchanté!